بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence le cours numéro 47 aujourd'hui dans l'explication du livre Al-Furqan بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah رحمه الله avec les commentaires de Cheikh Saleh Al-Fawzan حفظه الله تعالى. Et le point qu'on va expliquer maintenant, c'est un point important dans le livre. On rentre dans une nouvelle section et le cheikh maintenant, il explique. Il dit: وليس من شرط ولي الله أن يكون معصوما لا يغلط ولا يخطئ. وليس من شرط ولي الله أن يكون معصوما ولا يغلط ولا يخطئ. Donc, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il explique maintenant que pour que quelqu'un soit un wali d'Allah, et le wali d'Allah, on a expliqué que c'est la personne qui craint Allah, qui se préserve d'Allah, qui fait ce que Allah ordonne, qui s'écarte de ce que Allah a interdit, par foi en Allah et foi en sa promesse du paradis, et par crainte de son châtiment. Donc, celui-là, on l'appelle Wali d'Allah, Waliullah, subhanahu wa ta'ala. Donc le Wali d'Allah, c'est celui qui est proche d'Allah, qui est rapproché d'Allah, celui qui aime Allah et celui que Allah aime. C'est lui qui est un Wali d'Allah. Et comme on a expliqué, parce qu'il y a des gens qui ont dévié malheureusement dans la compréhension qu'ils ont de ce que signifie être un Wali, et donc ils ont interprété Al-Wilaya par une autre compréhension qui est contraire à l'islam, et donc ils ont essayé de dire que pour être un wali d'Allah, il faut être infaillible, il faut être parfait, il faut jamais faire d'erreur, et donc on retrouve ça chez les croyances des shi'a, rafida, et aussi chez les soufiyas. Ils pensent que le wali peut pas faire des erreurs, même involontairement, et qu'il connaît tout, et qu'il a la connaissance complète de toutes choses, et qu'il ne peut pas faire de faute. Et donc, Cheikh, il dit, non, ça c'est une erreur. C'est pas parce que tu es un wali que tu es infaillible, ou que tu vas pas faire de faute, ou que tu vas pas faire d'erreur. Et il explique, Cheikh Al-Fawzan, ce point-là. Il dit, Wali Allah kama bayyanahu fi qawlihi ta'ala, ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون فكل مؤمن تقي فهو ولي لله وتقدم لنا أنه ليس لأولياء الله علامات يعرفون بها لا في الأزياء ولا في المعاملة مع الناس وإنما هم كسائر الناس لا يعرفون فلا يجعلون لأنفسهم دعاية أو يلبسون لباسا لا يلبسه غيرهم أو أن يكون لهم أتباع وهالات حولهم بل كلما خفي الولي كان هذا أكمل في ولايته لأن الولاية إخلاص لله عز وجل فالذي يحب أن يظهر وأن يمدح هذا عمله رياء فلا يكون وليا لله عز وجل فأولياء الله لا يحبون أن يظهروا ولا أن يمدحوا ولا أن تكون لهم منزلة خاصة بين الناس وهذا كما جاء في الحديث رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره يعني أشعث أغبر بمعنى ليس له جاه ولا يعرف ومع هذا لو أقسم على الله لأبره لأنه ولي لله وهذا يدل على إخلاصه. Donc on va traduire ce premier passage, d'accord? Cheikh Al-Fawzan, il explique, il dit que le wali d'Allah, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a défini, et comment il a clarifié sa définition dans le Coran, dans verset 62 et 63 dans Surat Yunus. Écrivez 62-63 dans Surat Yunus, alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne dans ce verset-là la définition du wali. Qu'est-ce que c'est? Il dit: Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Donc il dit: certes, les serviteurs d'Allah qui sont rapprochés et awliya, ils n'ont aucune crainte et ne seront pas attristés. Il dit: ce sont ceux qui ont cru, qui ont al-iman et qui ont at-taqwa wa kanu yattaqun. Al-iman wa at-taqwa, c'est ça leur caractéristique. La caractéristique du wali, c'est celui qui est un mu'min et qui est taqi. Mu'min, il croit en Allah, il croit en l'islam, et taqi, yani il cherche à se protéger contre Allah et son châtiment et contre sa colère. Donc il est un wali d'Allah, un rapproché serviteur d'Allah, rapproché, aimé d'Allah. Et on a expliqué également que les awliya d'Allah, ils n'ont pas un signe particulier par lequel on les reconnaît, ni dans leur façon de s'habiller, ni dans leur façon d'agir avec les gens. Ils sont comme tout le monde, ils sont comme tout le reste des gens, hein? Ils n'ont pas un signe vestimentaire ou un signe particulier sur eux par lequel on peut les voir puis tout de suite dire: ah, ça c'est un wali, regarde comment il est habillé, hein? Ou ça c'est un si, ça. Non, il n'y a pas ça. Ils s'habillent comme tout le monde et ils ne se font pas non plus faire un genre de publicité à propos de leur personne, de se faire connaître, de vouloir être célèbre, de vouloir être connu, de vouloir que les gens les élèvent ou les glorifient. Ils n'aiment pas ça, au contraire, ils détestent ça. Les vrais awliya d'Allah, ils détestent ce genre de choses. Et il dit, le cheikh, ils ne veulent pas non plus avoir des gens qui les suivent, des adeptes. Ils ne veulent pas que les gens leur donnent des glorifications, ou bien les élèves, ou des choses de ce genre. Il dit, le cheikh, il explique que plus le wali est caché, hein, plus il n'est pas apparent, plus qu'il se cache, et mieux c'est. Hein, mieux c'est. Parce que al-wilaya, le fait d'être un serviteur rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est une forme de ikhlas envers Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un doit être mukhlis s'il est un wali d'Allah. Et être un mukhlis, ça veut dire que tu veux pas de riya, tu veux pas te faire voir par les gens pour te faire glorifier par les gens. Hein? Tu veux pas te faire glorifier, tu veux pas te faire remarquer, tu veux pas que les gens te soient toujours en train de te viser. Donc si quelqu'un il aime le riya, il aime la popularité, c'est pas un wali d'Allah. Hein? Il est pas réellement un wali d'Allah. Et il dit, c'est ça, ils veulent pas avoir un statut particulier par rapport aux gens. Même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, quand il a mentionné à propos de la personne qui est pieuse, mais elle est pas bien peignée, hein, et puis quand, si elle vient pour se faire accueillir à la porte, quand elle frappe chez quelqu'un ou elle rentre chez quelqu'un pour se faire accueillir, on le repousse, on le laisse pas rentrer, hein. Pourquoi parce que c'est une personne ordinaire. Pourtant, si elle jure par Allah de quelque chose, Allah l'exauce. Hein? Donc, le fait qu'il n'est pas reconnu par les gens, le fait qu'il n'a pas un certain statut chez les gens, le fait que les gens ne le reconnaissent pas, ils ne l'élèvent pas, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un wali d'Allah et un serviteur rapproché d'Allah, que quelqu'un que Allah aime. Peut-être qu'il est très modeste, peut-être qu'il est très simple, hein? Peut-être que c'est un musulman ordinaire, hein? Mais qui est pieux et qui croit en Allah et qui est sincère dans sa foi, et Allah subhanahu wa ta'ala l'aime et il est rapproché d'Allah parce qu'il fait ses adorations, il respecte ses obligations et il fait ce qu'il doit faire. Il dit ash'ath akhbar bima'na laysa lahu jah wa la yu'raf. Ash'ath akhbar, ça veut dire ses cheveux sont mal peignés, et il est là, sur ses vêtements il y a de la poussière. Hein? Sur ses vêtements il y a de la poussière. Les gens regardent cette personne, ils la dénigrent. Hein? Parce qu'il dit, ah, lui, il n'a aucun statut, il n'a aucune importance. Regarde ses habits sont pas propres. Hein? Ou bien il y a de la poussière sur ses habits. Ses cheveux sont pas peignés. Hein? Donc c'est pas une personne importante. C'est pas une personne qui a un statut. Et pourtant, c'est un wali d'Allah. Hein? لو أقسم على الله لا أبره لأنه ولي لله وهذا يدل على إخلاصه. Et ça montre que il est sincère envers Allah, qu'il a l'ikhlas, donc c'est un serviteur rapproché d'Allah. كما مر في قصة أويس القرني الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من وفد اليمن وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم جاء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل فلما جاء مع وفد اليمن كان مختفيا حتى بحث عنه عمر رضي الله عنه فعثر عليه وطلب منه أن يدعو له ثم إن عمر قال له ألا أكتب لك إلى أهل العراق قال لا دعني مع عامة الناس فخرج على وجهه ولم يعثر له على مكان بعد ذلك مختفيا هذه واحدة. Donc le cheikh donne un exemple, il dit c'est comme l'exemple de Uwais al-Qarni. Uwais al-Qarni, c'est un homme pieux parmi les pieux. Et il vient du Yémen. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé à son sujet. Il avait dit, il y a un homme, c'est un homme pieux, et il s'appelle Uwais al-Qarni. Si vous le rencontrez, demandez-lui de faire dua à Allah pour vous. Qu'il demande à Allah pardon pour vous. Hein? Alors, si vous êtes capable, il dit, si vous êtes capable de lui demander, de demander à Allah pardon pour vous, alors faites-le. Alors, quand il a dit ça à ses compagnons, radiallahu anhum, et quand il est arrivé, quand il est venu avec une délégation du Yémen, il est arrivé à Médine, et il se cachait. Il voulait pas se faire voir ou se faire reconnaître des gens. Et c'est Omar radiallahu anhu qui l'a cherché, hein. Et lorsqu'il l'a trouvé, il lui a demandé de faire évocation pour lui, de faire dua pour lui, hein. Puis Omar a dit, est-ce que tu veux que j'écrive pour toi, pour les gens du Yémen, pour les gens de l'Irak, pour qu'ils te, quand tu vas arriver là-bas, ils vont s'occuper de toi bien et tout. Il a dit, non, laisse-moi, je veux être comme tous les gens ordinaires. Je veux pas avoir un statut particulier. Hein, il est sorti normal, hein, et il se cachait pendant tout le restant de sa vie. Il voulait pas se faire reconnaître. Et l'histoire de Uwais al-Qarni est mentionnée dans les hadiths authentiques, hein. Donc ça, c'est le signe de quelqu'un qui est un wali d'Allah. Comment il agit, comment il est. Il se cache, il est modeste. Il cache sa wilaya. S'il fait des karamates, s'il fait des miracles, il veut pas montrer ça. Il le cache parce que c'est une épreuve pour lui, c'est une fitna pour lui. Il veut pas que tout le monde voit ça, puis qu'après les gens ils commencent à le prendre lui comme si c'était lui la source de du bien, que les gens commencent à faire peut-être le shirk avec lui à cause de ça. A'udhu billah. Donc le cheikh dit ensuite wa thaniya al-an laysa min shart wali Allah an yakuna ma'souman la yukhti بل يقع منه خطأ في الاجتهاد إلا الأنبياء أئمة الأولياء هم الأولياء هؤلاء معصومون يعني عليكم السلام ورحمة الله يعني الأنبياء إلا الأنبياء الأنبياء هم أئمة الأولياء وهم الأولياء وهؤلاء معصومون الأنبياء معصومون رضي الله عليهم الصلاة والسلام أما من عداهم من الأولياء فإنه عرضة للخطأ والصواب يعني عرضة للخطأ والصواب فلا يقال إن الولي لا يخطئ، وكل ما قاله فإنه حق ويؤخذ كأنه نبي. لا، هذا قول الصوفية مع رؤسائهم ومع مشايخهم، يعتقدون لهم العصمة وأنهم لا يخطئون، وأن المريد مع شيخه كالميت مع غاسله، ما يمانع في شيء ولا يعترض في شيء ويستسلم استسلاما كاملا. هذه عقيدة الصوفية الضالة. فالولي يخطي ويصيب، ها، ويعترف بالخطأ والصواب. وسيأتي من كلام الشيخ رحمه الله ما يبين هذا. هذا رد على الذين يقولون إن الولي معصوم، ولذلك كل ما يصدر عنه فإنه لا يعترض عليه ولا يعارض، كما تقوله الصوفية في مشايخها أو القبورية في مشايخها. وهذه مسألة مهمة جدا. Donc le cheikh il explique ensuite que le deuxième point maintenant c'est que il faut comprendre que ce n'est pas une condition pour que quelqu'un soit un wali d'Allah qu'il soit infaillible et qu'il ne fasse pas d'erreur. Même que plutôt il peut commettre des erreurs. Et quand il fait l'ijtihad, il peut se tromper. Excepté les prophètes. Parce que les prophètes, ce sont les imams des awliya. Ce sont les guides, les chefs des awliya. Et eux, ils sont infaillibles. Mais tous les autres awliya, autres que les prophètes, ils peuvent avoir raison comme ils peuvent se tromper. Ils sont pas parfaits. Ils sont pas infaillibles. Donc, on ne doit pas dire, à propos d'un wali, qu'il ne fait pas d'erreur. Et que tout ce qu'il dit, c'est la vérité. Et qu'on peut tout prendre ce qu'il dit comme un prophète. Non. Il dit, ceux qui pensent ça, ceux qui pensent que les awliyas sont parfaits, ou qu'ils ne font pas d'erreurs, ou qu'ils sont infaillibles, ça c'est les soufis, hein, avec leur chouyour, avec leur, hein, leur maître, hein, avec leur gourou. Allah musta'an. Peut-être même aussi les rafidah, comme j'ai dit tout à l'heure, avec leur a'imma. Ils pensent qu'ils sont infaillibles. Même que Al-Khomeini, dans son livre Al-Hukumat Islamiyya, il dit dedans que le statut des imams, il est un statut plus élevé que les anges et plus élevé que les prophètes, devant lequel tous les atomes de la création se prosternent. Donc ça c'est l'idée que les rafidah, ils ont à propos de leurs imams. Hein. Et les soufis, ils disent, comme le cheikh il mentionne, ils croient que leur cheikh il est infaillible, qu'ils ne font pas d'erreur, et que le mourid, c'est-à-dire celui qui rentre dans la tariqa soufia, il doit être avec son cheikh comme une personne qui est morte. Lorsque quelqu'un vient le laver, eh bien lui il doit être comme le mort devant son cheikh. Le mourid il doit être comme le mort devant son cheikh. Il doit oublier sa volonté et tout, et se soumettre de façon absolue à son cheikh. Ça, c'est les paroles de Cheikh Al-Fawzan. C'est lui qui explique ça. Il dit, « Anna al-murid ma'a shaykhihi kal-mayyit ma'a ghasilihi. » Ouais. C'est comme ça que les chouyours des soufis éduquent leurs fidèles et leurs adeptes. Hein? Ils doivent pas s'objecter à lui en quoi que ce soit et lui refuser quoi que ce soit. Ils doivent se soumettre à son cheikh. Ils doivent se soumettre à son cheikh complètement. Et le cheikh dit ça, c'est l'aqida d'égarement chez les soufis. Il dit, même si le cheikh, hein, il fait une erreur, il ne faut pas que tu le critiques ou que tu t'opposes à lui, ou que si tu le vois même faire un péché, il ne faut pas que tu te dises qu'il fait un péché. Hein, et ainsi de suite. Alors le cheikh dit non, nous on croit que le wali, il peut faire des erreurs comme il peut avoir raison. Et on reconnaît qu'il peut avoir raison comme il peut se tromper. Et on va voir, il dit le cheikh, il va expliquer par la suite et il va réfuter ceux qui disent que le wali, il est infaillible et qu'il ne peut pas faire d'erreur et que tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait peut être correct et on n'a pas le droit de s'y objecter ou de critiquer qu'est-ce qu'il dit ou qu'est-ce qu'il fait. Hein? Ça, c'est les soufis qui agissent comme ça avec leurs chouyours, ou les kouburiyas, c'est-à-dire ceux qui adorent les tombes et les saints, hein? Ils disent ça à propos de leurs chouyours. Et donc ça, c'est une question très importante. Le Cheikh il dit, c'est une question très importante. Ensuite, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, elle continue. Il dit, « بَلْ يَجُوزُ أَنْ يَخْفَ عَلَيْهِ بَعْضُ عِلْمِ الشَّرِعَةِ وَيَجُوزُ أَنْ يَشْتَبِهَ عَلَيْهِ بَعْضُ أُمُورِ الدِّينِ حَتَّى يَحْسِبُ بَعْضُ الْأُمُورِ مِمَّا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ مِمَّا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ. » Donc le Cheikh il dit que il est possible même que il ignore ou que certaines choses de la connaissance de la charia lui échappent. Peut-être qu'il y a des choses de la charia, il va pas les connaître. Alors que c'est un wali. Hein? Et il dit c'est possible également qu'il y a des choses qui dans lesquelles il soit confondu. Hein? Ou qu'il soit confus dans certaines questions de la religion. Hein? Et il dit que ويجوز وحتى يحسب بعض أمور بعض الأمور مما أمر الله به ومما نهى الله عنه ويجوز أن يظن أو أن يظن في بعض الخوارق أنها من كرامات أولياء الله تعالى وتكون من الشيطان لبسها عليه لنقص درجته ولا يعرف أنها من الشيطان. Donc il dit, le cheikh, que c'est possible qu'il pense que certaines choses font partie de la religion et que ça fait partie de la sunna alors que ce n'est pas une sunna. Hein? Il peut penser que quelque chose est correct alors que ce n'est pas correct, alors que c'est un wali. Et il dit, Cheikh Al-Fawzan, il dit, « يَجُوزَ أَنْ يَخْفَ عَلَيْهِ بَعْضَ عِلْمِ الشَّرِعَةِ فَيُخْتِي وَيُفْتِي بِفَتْوَى أَوْ يَقُولُ قَوْلًا وفي الشريعة ما يخالف هذا القول وهذه الفتوى لأنه لم يطلع عليها وهو ما تعمد المخالفة ولكن لم يطلع عليها. الله عز وجل يقول وفوق كل ذي علم عليم وقال لنبيه عليه الصلاة والسلام وقل ربي زدني علما. فالولي لا يعتقد في حقه العصمة غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأن الله عصمهم فهم يخطئون ويصيبون ولكن يرجعون إلى الحق ويقبلون النصح ويشاورون العلماء كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما يأتي إذا عرض له الأمر يستشير الصحابة المهاجرين والأنصار وهو من خواص الأولياء. Donc le Cheikh il dit, Cheikh Al-Fawzan, il explique le passage qu'on a lu. Il dit que c'est possible que le wali, il y a des choses de la charia, de la connaissance de la charia qu'il ne connaisse pas, hein, qui lui échappe. Et peut-être qu'il va faire une fatwa, il va se tromper dans sa fatwa. Hein. Il va dire une parole et que cette parole-là, elle contredit. Hein? Qu'est-ce que la charia enseigne à ce sujet-là? Parce qu'il n'a pas eu connaissance de ça. Il n'a pas fait cette contradiction volontairement. C'est pas intentionnellement. Hein? C'est par ignorance. Quelqu'un peut faire partie des awliya, ne pas savoir. Parce que, depuis que tu es un mu'min et un taqi, tu es un wali. Mais qui est-ce qui peut être certain qu'il est un pieux? Où, le croyant, tu sais que tu crois en Allah, mais ton degré de foi, tu sais pas. Tu comprends? Et ta piété non plus. Innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Naam. On dit, de façon, la règle générale, on dit les ulama, ce sont des awliya d'Allah. Mais, est-ce qu'on peut être certain et confirmer ou dire à propos d'une personne en particulier que elle c'est un wali, peut-être, on espère, mais on peut pas le dire avec certitude, parce que c'est Allah qui sait qu'est-ce qui est dans le cœur des personnes. Hein? Oui, c'est ça. Nous on se base sur l'apparence, on se voit qu'est-ce qui, on se base sur les paroles et les actions, et on dit cette personne, elle nous semble être un wali, mais c'est Allah qui connaît sa réalité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait, si tu dois glorifier quelqu'un ou dire quelque chose du bien de quelqu'un, tu dis, ahsibuhu kadhalik, والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا. Je le pense comme ça, et c'est Allah qui va le juger. Et je ne veux pas purifier personne par au-dessus d'Allah. Donc c'est Allah qui sait mieux. Oui, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à leur sujet, que ce sont des awliya ou que ce sont des gens promis au paradis, al-mubashirina bil-jannah, ou ce que c'est comme le, dans, parmi la, les principes de aqidat ahl sunnah wal jamaa, la nashhad li ahadin bi jannatin aw nar, c'est-à-dire on n'a pas le droit de témoigner que quelqu'un est au paradis ou en enfer, excepté si il y a une preuve du Coran et de la sunnah. D'accord? Donc ça c'est une règle parmi les principes d'Ahl Sunnah. Donc ça veut dire que tu peux pas non plus déterminer que quelqu'un est un wali, parce que de dire que c'est un wali, c'est comme si tu disais qu'il va au paradis, tu vois. Donc ça rentre dans la même mais tu peux espérer, on espère pour le pieux, pour la personne qui fait du bien, et celui dont l'apparence est bien, on espère pour lui le bien, et celui dont l'apparence est mauvaise, on craint pour lui le mal. Wallahu a'lam. Et le shaykh il dit donc wa fawqa kull, il cite le verset 76 dans sourate Yusuf qui dit, Allah il dit wa fawqa kulli dhi 'ilmin 'alim, c'est-à-dire au-dessus de toute personne qui a du savoir, il y a un savant. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Donc il y a toujours quelqu'un plus savant que quelqu'un d'autre, Et l'autre verset, il dit que Allah a dit à son prophète وَقُلْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا, il a dit oh mon Seigneur, augmente-moi en savoir et en science. Donc c'est la preuve que il y a toujours place à pour augmenter en savoir et en science, le verset 114 dans surat Taha. Donc le wali, on ne doit pas croire qu'il est infaillible, excepté les prophètes. Les prophètes c'est des awliya, mais eux ils sont dans une classe à part, ils sont à la tête des awliya, et eux ils sont protégés par Allah de l'erreur. C'est Allah qui les préserve. Et donc, ils ne font pas d'erreur, dans la transmission de la révélation d'Allah. Il dit, en ce qui concerne les autres awliya, ils peuvent avoir raison comme ils peuvent se tromper. Mais quand on leur montre leur erreur, ils reviennent à la vérité et ils acceptent le conseil. Et ils demandent la consultation des ulama. C'est comme Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, quand il y avait une question qui se présentait, eh bien, il demandait le conseil, il faisait la shura avec tous les muhajirines et les ansars pour demander des questions, alors qu'il faisait partie des élites parmi les awliya d'Allah. Donc, c'est pour dire, s'il était infaillible, pourquoi il allait faire des consultations? Pourquoi il allait réunir tous les sahaba, pour demander une question? Donc ensuite il explique par rapport à l'autre point, hatta yahsabu ba'd al-umur mimma amara Allah bihi wa mimma nahaa Allah anhu. Donc il dit yajuz, Cheikh Al-Fawzan il dit yajuz an yashtabiha alayhi ba'd al-umur ad-diniyah fa yadhun an hadha sunnah wa laysa bi sunnah, hadha sahih wa laysa bi sahih li'annahu bashar yukhti wa yusib, laysa ma'nahu annahu idha sara waliyan أنه خرج عن البشرية بل هو بشر يخطي ويصيب. Et ça c'est ce que le cheikh il dit, que c'est permis que le wali il soit mélangé dans certaines questions, dans certains sujets de la religion. Oui, c'est possible. Oui, c'est permis. Ben, en arabe ils disent c'est permis, mais c'est dans le sens que c'est possible, yani. Et donc il peut penser que quelque chose est la sunna alors que c'est pas la sunna. Il peut penser que quelque chose est correct alors que c'est pas correct, parce que c'est un être humain. Il peut avoir raison comme il peut se tromper. Et il dit le cheikh que ça ne veut pas dire qu'une fois que tu deviens wali, que tu sors des limites de l'humanité, que t'es plus un être humain. Et c'est ça que les soufis elles croient, que le wali il est plus un être humain, il est c'est comme s'il est un surhomme. Il a des pouvoirs surnaturels, puis il est plus un être humain là. Il devient presque demi-dieu pour eux. Allah al-musta'an. Non, parce que quand il a dit tout à l'heure que comme l'affaire, comme le mort avec celui qui le lave, Ça, c'est un dicton chez les soufis qui est connu. Et les ulama, ils le mentionnent souvent comme exemple pour les réfuter sur ce point-là. Ouais, non, c'est ça. Ils font la bay'a à leur cheikh, une allégeance, comme tu dis. Et ça, c'est bid'a. Ça rentre dans les bid'a, oui. Yani de suivre comme ça, yani. Allah al-musta'an. Oui, il les connaît. Oui, Ibn Taymiyyah, il les connaît bien. Et comme tu dis, tu vois, ces gens-là, c'est vraiment ça. Même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Ya Fatima, salini ma shi'ti, walakin, yani la ughni anki min Allahi shay'a. Yani, ساليني ما شئت من مالي ولكن يعني يوم القيامة يعني لا أستطيع أن أغني عنك من الله شيئا إن خالفت يعني الطريق هذا المعنى. Ça veut dire que le prophète s'est même à sa propre fille Fatima, à ses oncles, à ses tantes, à ses proches, il leur dit, yani sauvez-vous-même, je ne peux rien faire pour vous au jour d'Allah, au jour de la résurrection devant Allah, je ne peux rien faire pour vous. Donc ça veut dire que même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prenait la bay'a des sahaba, il leur promettait pas de les sauver de l'enfer au jour de la résurrection, à moins qu'ils se sauvaient eux-mêmes. Donc comment le cheikh soufi, il promet à ses fidèles qu'il va les sauver au jour de la résurrection du feu de l'enfer? Il a plus de connaissances ou plus de moyens que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Non, c'est pas possible. Hein? فكيف يعني يعد الشيخ الطريقة يعد لأتباعه أنه سينجيهم من عذاب النار يوم القيامة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعد هذا لأصحابه أنه سينجيهم من النار إذا كانوا هم يعني يخالفون الطريق لا يمكن. Donc c'est pour ça que tu vois que leur voix n'est pas sur la même que la voix du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh il dit, cheikh l'islam il dit ensuite, وَيَجُوزُ أَنْ يَظُنَّ فِي بَعْضِ الْخَوَارِقِ أَنَّهَا مِنْ كَرَامَاتِ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ وَتَكُونُ مِنَ الشَّيْطَانِ لَبَّسَهَا عَلَيْهِ لِنَقْصِ دَرَجَتِهِ وَلَا يَعْرِفُ أَنَّهَا مِنَ الشَّيْطَانِ. Il dit, c'est possible qu'il pense que certaines choses surnaturelles qui se produisent soient des prodiges, des karamates qui arrivent aux awliya d'Allah. Mais en réalité, elles viennent du diable et ça lui a été confus ou mélangé à cause d'un manquement dans son degré. Hein, et lui, il ne sait pas qu'elle vient du diable, cette chose-là. Cette situation là ou cette chose là et Cheikh Al-Fawzan il explique ça en disant wal wali as-sadiq la ya'taqidu anna kull amr khaliq fa huwa karama bal innahu yakhafu an takuna min ash-shaytan fala yaghtar bima yadhharu ala yadayhi annahu karama wa la yujzim bihadha bal qad yakunu hadha taghriran min ash-shaytan ليلبس عليه فهذا من صفات الأولياء أنهم لا يغترون بالكرامات ولا يعترفون بها وإنما يخفونها وإنما يخفونها ولا يعتمدون عليها. Donc le cheikh dit le wali qui est sincère, ok, il ne va pas croire que tout ce qu'il fait qui est surnaturel, que c'est automatiquement un prodige ou une karama que Allah lui fait ou que Allah lui donne. Au contraire, il va croire parfois même que ça peut venir même du shaitan. Donc pourquoi? Parce qu'il ne veut pas être trompé par tout ce qui lui arrive, tout ce qu'il fait que automatiquement c'est une karama. Et il va pas être certain de ça, comme dire, de façon déterminante, comme si oui, ça c'est une karama, c'est 100% certain. Non. Parce que c'est possible que ce soit une ruse du shaitan, qui veut le tromper, hein. Et donc ça fait partie des caractéristiques des serviteurs proches et rapprochés d'Allah. Yani, ils ne se laissent pas tromper, hein, ils ne se laissent pas tromper par les karamates, les prodiges, les choses, les formes de, les choses miraculeuses qui peuvent arriver par leurs mains. Ils les cachent même. Ils se reposent pas là-dessus pour déterminer quoi que ce soit. Puis il dit, ensuite, il dit, wa kama sabaqa lakum anna al-khariqa lil-'ada idha jara 'ala yadi mu'minin taqiyyin fa innahu karama wa idha jara 'ala yadi fajirin shaqi fa innahu khariqun shaytani wa laysa karama. Donc il dit, le cheikh, on a expliqué que une chose surnaturelle qui se produit par la main de quelqu'un, si ça se produit par la main de quelqu'un qui est croyant et qui est pieux, alors dans ce cas-là, on va dire que c'est quelque chose de miraculeux, que c'est une karama, un prodige. Toutefois, si ça se produit par la main de quelqu'un qui est pervers, malheureux, on dira que c'est une ruse du shaitan, hein, et que ce n'est pas, hein, un miracle. Vous avez compris? Fahimtuma? Vous avez compris? Qu'est-ce qui arrive si, par exemple, tu vois quelqu'un, il fait des choses surnaturelles, des choses que tu ne peux pas expliquer par la science? Peut-être ça apparaît miraculeux. Et là, hein, tu vas dire, oh, ça c'est des miracles, ça c'est une karama, ça c'est un prodige. Peut-être, hein, peut-être que ça vient du shaitan. Hein? Peut-être que ça vient du shaitan. Et comment tu fais pour distinguer quand est-ce que ça vient du shaitan ou ça vient de d'Allah? Eh bien, le cheikh il dit, si tu vois que ça vient de quelqu'un qui est mu'min, qui est un croyant, et qui est taqi, c'est-à-dire il est pieux, il s'écarte de ce qui est haram, il fait ce qui est obligatoire, hein, il fait ce que Allah ordonne, il se rapproche d'Allah, là tu dis, bon, ça c'est quelque chose qui vient d'Allah. Mais si ça vient de quelqu'un qui fait pas la salat, il fait du sihr, il fait des bid'ah, il fait de l'égarement, il contredit l'islam, et puis il dit qu'il est un wali, tu vas savoir que ça vient du shaitan, que c'est un menteur, c'est pas un wali d'Allah. Il dit, les naqsi darajatihi, لنقص درجته لينقص درجته وليغره بها فالولي لا يغتر بالكرامة ولا تغره الكرامة. Donc des fois ce genre de choses surnaturelles qui se produit par rapport à cette personne, c'est pas pour l'élever, c'est pour le rabaisser, hein? Et c'est pour qu'il soit trompé justement par cette chose là qui est surnaturelle, pour qu'il pense justement qu'il est un wali, ou pour qu'il se prétende wali, et qu'il soit trompé par ça. Le cheikh il dit, wa in lam yakhruj bidhalika an wilayati Allah ta'ala fa inna Allah ta'ala tajawaza li hadhihi al-umma an al-khata' wa an-nisyan wa ma stukrihu 'alayhi. Donc il dit, même s'il ne sort pas à cause de cela du fait d'être un serviteur rapproché d'Allah, mais tout de même, on sait que Allah subhanahu wa ta'ala, il passe par-dessus les péchés de la Umma ou les erreurs de la Umma. Ce que les gens de cette Umma font par erreur, par oubli ou par contrainte, Allah passe par-dessus, c'est-à-dire il les punit pas pour ça. Et Cheikh Al-Fawzan, il explique ce hadith-là, ou bien à la base, ce qui est un hadith, il dit, « Wa in lam yakhruj بخطئه إذا أخطأ يعني لا يخرج من ولاية الله وهو ولي لله وإن أخطأ لأنه لم يتعمد الخطأ قال صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجر وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر فهو مأجور غير مأثوم على الخطأ. Donc le cheikh il explique, il dit que si le wali, hein, il se trompe, hein, il fait une erreur, lorsqu'il fait une erreur, ça ne veut pas dire qu'il n'est plus wali, il est encore un wali même avec son erreur, hein, parce qu'il n'a pas fait exprès pour faire cette erreur là. Donc si par exemple un juge, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, lorsque le juge fait un jugement et qu'il se trompe, ou bien plutôt qu'il a une bonne réponse, il a deux récompenses. Et s'il fait un jugement et qu'il se trompe, il a une seule récompense au lieu de deux. Donc, la personne qui fait une erreur, il est récompensé pour ce, quand il fait cette erreur-là, s'il fait un ijtihad, hein, parmi les ulama. Et si, par exemple, quelqu'un parmi les ulama, il fait un ijtihad, il fait un jugement, il fait l'effort pour arriver à ce jugement-là, et il a la bonne réponse, il aura le double de la récompense. Il a deux récompenses au lieu d'une. Hein? Tandis que celui qui se trompe, il a une seule, et il a une seule récompense et il n'a pas de péché. Et ensuite, le cheikh il explique, il dit « Kama fi al-hadith, qala sallallahu alayhi wa sallam, fa inna Allah tajawaza li, inna Allah tajawaza li hadhi l'ummah, عن الخطأ والنسيان ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وما استكره عليه يعني إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فالولي إذا أخطأ أو نسي معفو عن خطأه ونسيانه لأنه ليس معصوما. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que Allah il a passer par-dessus les erreurs que la Ummah fait, que les gens de la Ummah vont faire, et ce qu'ils font par oubli. Donc si quelqu'un il a fait un péché ou une erreur, hein, par erreur, il s'est trompé, ou bien par oubli, il a oublié, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne ça. Hein. Et Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne ça dans le Coran, le verset 286. Hein, ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. C'est-à-dire que si tu fais un péché ou si tu fais quelque chose par erreur, tu t'es trompé, ou bien par oubli, dans ce cas-là tu n'as pas de péché, hein, tu n'as pas commis un péché. Non, si tu fais quelque chose par oubli ou par erreur, tu n'as pas de péché, donc tu n'as pas besoin de te repentir. Et il dit aussi là, qu'est-ce qu'on a fait sous la contrainte. C'est-à-dire quelqu'un nous a forcé de le faire. Alors dans ce cas-là, on n'est pas, hein, on n'est pas, on n'a pas fait ça volontairement, donc on n'a pas de péché aussi. Hein. Quelqu'un, il prend une arme, il te menace, il te dit si tu fais pas telle ou telle chose, par exemple, si tu embrasses pas l'idole ou si tu te prosternes pas devant une statue, je vais te tuer. Toi, tu te prosternes pour éviter que la personne te tue. Dans ce cas-là, il y en était excusé parce que on t'a forcé de le faire. Tu voulais pas le faire, d'accord? Oui, oui. Si tu décides de le faire, c'est-à-dire que malgré malgré qu'on te menace, hein, la personne, elle te menace, puis toi tu restes ferme, tu dis malgré tout, même s'il me tue, je vais rester, hein, je vais le dire quand même. Ça, t'as le droit de le faire, si tu veux. Mais des fois, c'est peut-être plus bénéfique, ou c'est peut-être mieux de justement prendre la permission, hein, parce que peut-être que en restant en vie, tu peux continuer à faire beaucoup d'autres choses qui sont bien, hein, et aider l'islam. Donc ça c'était arrivé à Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu, quand ses parents ont été tués et que lui il a dit une parole de kufr par contrainte, hein. Alors Allah subhanahu wa ta'ala il a dit dans le verset 106 dans sourate An-Nahl, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, excepté celui qui a été contraint alors que son cœur est dans la sérénité de la foi. D'accord? Donc si tu es forcé à faire une parole, à dire une parole de kufr ou à faire quelque chose qui est incorrect, dans ce cas-là tu es excusé. Et donc le wali, s'il fait une erreur ou s'il se trompe, il sera excusé, hein, de cette erreur-là, parce que il n'est pas infaillible. Et le cheikh il cite maintenant un verset. Faqala ta'ala آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Donc ça c'est les versets à la fin de sourate al-Baqarah, les versets 285 à 286. Et dans ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, le messager a cru en ce qui a été révélé sur lui de la part de son Seigneur, de même que les croyants. Ils ont tous cru en Allah, en ses anges, en ses livres et en ses messagers. Et nous ne faisons aucune distinction entre aucun de ces messagers. Et ils ont dit, nous entendons et nous obéissons, pardonne-nous notre Seigneur et c'est vers toi le retour. Et Allah ne donne pas à une âme une charge qu'elle ne peut pas supporter. Yani, elle aura ce qu'elle a acquise et contre elle sera ce qu'elle a fait comme péché. Et il dit, le verset dit ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et notre Seigneur ne nous prend pas pour compte si on a fait un péché par oubli ou par erreur. Et on va voir qu'à propos de ça, Allah il a dit, je vous ai exaucé. Je vous ai exaucé. Donc, si on fait quelque chose par oubli ou par erreur, on ne sera pas tenu pour compte. Et dans la suite du verset, oh notre Seigneur, ne nous fait pas porter une charge qui est lourde. Je pense qu'il y a une sœur qui veut rentrer. Non. Ne nous fait pas porter une charge qui est trop lourde ou un poids qui est trop lourd, un engagement, comme tu as fait porter à ceux qui étaient avant nous. Et ne nous fait pas porter un poids qu'on n'est pas capable de prendre. Fais-nous, sois indulgent envers nous, pardonne-nous, fais-nous miséricorde. Tu es notre maître. Pardonne-nous, fais-nous miséricorde. Tu es notre maître. Alors donne-nous la victoire contre les peuples mécréants. Donc ça c'est le verset avec ce doua dedans et le Cheikh Al-Fawzan, il explique, il dit « Amana al-Rasul, hadhi al-ayat min akhir surat al-Baqara, fiha sifat wa awliya illah. Awalan, annahum yu'minuna billahi wa ma anzala Allahu subhanahu wa ta'ala, yu'minuna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Thaniyan, annahum aydan yu'minuna bima anzala Allah, wa la ya'taqiduna annahum yakhrujuna anil shari'a. لأنهم وصلوا إلى الله وليسوا بحاجة إلى الشريعة فهم يؤمنون بما أنزل الله عز وجل ويتبعونه ويعتقدون أنهم استغنوا عن الشريعة واستغنوا عما أنزل الله. الصفة الثالثة أنهم يعترفون بالخطأ والنسيان ويطلبون من الله عز وجل أن يغفر لهم. الصفة الرابعة أنهم يقولون سمعنا وأطعنا فيسمعون لكلام الله وكلام رسوله ويتلقونهما بالقبول ويطيعون الله ورسوله. هذه صفات أولياء الله. Donc le Cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset que le messager il a cru en Allah. آمن الرسول. Le messager, il a cru. Et donc, dans ce verset, qui est le dernier verset dans Sourate Al-Baqarah, il y a les descriptions des awliya d'Allah. Et il dit que, il y a quatre choses qui sont mentionnées comme caractéristiques. Premièrement, qu'il croit en Allah et en ce que Allah a révélé. Donc, il croit en Allah, en ses anges, en ses livres et en ses messagers. Deuxièmement, également, il croit en ce que Allah a révélé et il croit sincèrement que ils ne croient pas qu'ils ont le droit de sortir de la charia. Comme certains, par exemple, qui, parmi les soufis, ils pensent qu'on a le droit de sortir de la charia. On n'est pas obligé de suivre la charia. Allah musta'an. Yarhamkallah. Parce qu'ils disent, nous, on est arrivé à Allah, on n'a pas besoin de la charia maintenant. Allah musta'an. Donc, les vrais awliya d'Allah, ils croient en ce que Allah a révélé et ils le suivent. Et ils ne croient pas qu'ils peuvent se passer d'Allah ou qu'ils n'ont pas besoin de ce que Allah a révélé. Troisième caractéristique, c'est qu'ils reconnaissent l'erreur. Ils reconnaissent quand ils font une erreur. et ils reconnaissent qu'ils peuvent oublier. Hein? Donc, contrairement aux soufis, hein, qui pensent qu'ils ne peuvent pas faire d'erreur, puis qu'ils ne peuvent pas oublier. Hein? Même, c'est ça que les soufis et même les rafidahs, ils disent, leur imam, ils disent, l'imam, il ne peut pas se tromper, même s'il veut. Ouais. Même s'il veut, il ne peut pas oublier, il ne peut pas se tromper. Il a toutes les connaissances. Ça, c'est les chiites qui croient ça. Que leurs imams, ils sont parfaits, enfin, ils connaissent tout. Ça, c'est du shirk. Ça, c'est du shirk. Shirk fait l'asma au sifat. Hein? Yani yasifun al-makhluq bi sifat Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est comme dans Al-Burda, dans le poème que les soufis, ils chantent quand ils font le mawlid al-Nabawi. Il dit, wa inna min ulumika ilmu al-lawh wal-qalami. Donc il dit, parmi tes sciences, il y a la science de la plume et de la table préservée. Hein? Et ça veut dire la connaissance du raïb, hein? La connaissance d'Allah. Hein? Et ça, c'est du shirk. T'as pas le droit d'attribuer cette connaissance-là à une créature. Parce que c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît ilm al-lawh. Personne d'autre que Allah. Hein? Et il dit, en plus, il dit, wa min ulumika. Ilm al-lawh wa al-qalami. Ça veut dire que ça, c'est une partie de sa science seulement. La connaissance de la plume et de la table préservée. Il y a un shirk qui a mentionné ça, il a dit, ils ont laissé quoi à Allah? Hein? Ils ont laissé quoi à Allah, celui-là? Allah musta'an. Donc, ensuite, la quatrième caractéristique, annahum yaqulun sami'na wa ata'na fayasma'un li kalamillah. Donc, ils disent, on entend et on obéit. Donc, ils entendent la parole d'Allah, la parole du messager, sallallahu alayhi wa sallam, et ils l'acceptent. Hein? Ils la reçoivent avec acceptation et ils y obéissent. Ils obéissent à Allah et à son messager. Ça, c'est parmi les caractéristiques des awliya d'Allah. Il dit, وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِحَيْنِ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اِسْتَجَابَ هَذَا الدُّعَى وَقَالَ قَدْ فَعَلْتُ. C'est-à-dire qu'il a été rapporté dans un hadith authentique par Al-Bukhari et Muslim, que Allah subhanahu wa ta'ala, à la fin de ce dua, il a dit, je l'ai fait. C'est-à-dire, je vous ai exaucé. D'accord? Donc, il dit, kullu jumlat, Sheikh Al-Fawzan, il dit, wa kullu jumlatin yaqulu Allah, qad fa'alt. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Qala Allah azza wa jal, qad fa'alt. Rabbana la tahmil alayna isran. كما حملته على الذين من قبلنا قال الله قد فعلت وقال الله ربنا ولا تحمل علينا ولا تحمل ما لا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال الله قد فعلت واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال الله قد فعلت فاستجاب الله هذه الدعوات. هذه صفة أولياء الله تؤخذ من مثل هذه الآيات الكريمة أو الكريمات. ولاحظوا أنهم اعترفوا أنهم مخطئون وأنهم ينسون، اعترفوا بهذا ولم يدعوا العصمة وأنهم لا يخطئون ولا ينسون. Donc le cheikh il mentionne que à la fin de chaque phrase dans ce dua, Allah subhanahu wa ta'ala il dit qad fa'alt, c'est-à-dire je l'ai fait. C'est-à-dire quand il dit, oh, notre Seigneur ne nous prend pas pour compte si on oublie ou si on fait des erreurs. Allah il dit je l'ai fait, c'est-à-dire je vous prends pas pour compte. Et il dit à la fin, et le cheikh il explique, il dit donc à chaque phrase Allah il dit je l'ai fait. Et il dit donc ça c'est pour montrer que Allah il exauce les invocations des croyants et que ça fait partie des caractéristiques des serviteurs rapprochés d'Allah parmi les awliya. Et que donc ça c'est ce qu'on peut tirer de ces versets là. Et il dit observez bien une chose, c'est que ils reconnaissent leurs erreurs, hein? Ils reconnaissent qu'ils font des erreurs et qu'ils peuvent oublier, hein? Donc c'est la preuve qu'ils ne prétendent pas être infaillibles, puisqu'ils peuvent se tromper et ils peuvent oublier. Donc, je pense que pour aujourd'hui, on va s'arrêter ici. On continuera demain la suite.